بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا في الدرس الماضي رد قاعدة لا نترك الرجل حتى يتركنا. يا شيخ سعيد رحمة الله عليه لا منتخابك دي أدلة قوله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اي avec des كلامs de سلف شيخ الإسلام المقريزي إلى آخره il a démontré que cette قاعدة était باطلة. في الحقيقة celui qui a compris هذا il saura pourquoi بعض الناس ils n'ont pas délaissé عبد الرحمن malgré qu'ils ont reconnu qu'il était على خطأ لأن عندهم لا نترك الرجل حتى يتركنا. هذا c'est un كلام باطل, ça implique des choses graves. ولا الحمد لله بديتاي هذا في الدرس الماضي. أما اليوم نقرأ قال رحمة الله عليه بيان عدم المتعلق في وصية الإمام الوادع العظيم في الدفاع عمن غير وتحزب. هذا un point important. لأن بعض الناس يقولون pourquoi vous critiquez عبد الرحمن العدني, vous dites que c'est un حزبي alors que الشيخ مقبل il l'a cité dans الوصية. وصحيح أن الشيخ مقبل l'a cité dans الوصية parmi les مشايخ. Et بعض الناس moi là où si tu montres le haq il s'accroche à cette chouba. Awalan, ceux qui prétendent hada pour Abd al-Rahman, eux-mêmes ils ont critiqué Abu al-Hassan. Alors qu'Abu al-Hassan il est cité dans le wasiyya. Thaniyan, kalam Sheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il a parlé à un moment donné des personnes qui étaient à la khayr. Sheikh Muqbil il a jamais dit si quelqu'un s'égare, vous dites rien. Abadan. Bel, Sheikh Muqbil lui-même, il a répondu à certains de ses élèves. الريمي والمقتري والمحمد المهدي توسلا c'était des élèves de Cheikh Muqbil quand ils se sont garés il a rodé عليهم malgré qu'avant ربما il parlait en bien d'eux. هذا troisièmement لماذا vous appliquez pas cette قاعدة avec Cheikh Yahya. أما Cheikh Yahya طعن pourtant c'est lui qui est cité dans le وصية, c'est lui qui est successeur de Cheikh Muqbil à Dammal. لكن بعض الناس لا avec Cheikh Yahya ما في من هذا, c'est comme s'il n'avait pas été cité. Tout ça ça te montre que le كلام il est pas صحيح. الصحيح c'est le haq. Cheikh Al-Albani il a zikki des personnes, ils se sont égarés. Prends l'exemple de Ali Al-Halabi. Cheikh Al-Albani c'est un de ses élèves, il a zikki. Al-An, ceux qui prétendent هذا ربما يردون على Al-Halabi. Nous on va leur répondre pourquoi tu parles sur lui, Cheikh Al-Albani il a parlé en bien de lui. Abadan, c'est pas ça le mizan. C'est pas ça le mizan. Ben le savant lui-même si il s'égare يغير يبدل يرد عليه. Fahal al-Harbi, il était considéré parmi les savants, parmi... Il s'est égaré, al-ulama, ils ont montré son hal. Hada, fahal kalam, hada, haqiqa, c'est hujjat al-du'afa. Wa ahad, rubama, après tout ça, wa ta'ammalu, Cheikh Saïd, il a cité à la fin. Après tout ça, rubama, ahad, il va dire, mais Cheikh Muqbil, il a cité dans le testament. Et après, al-haq, ça passe avant. Et Cheikh Muqbil, il serait vivant, rahmatullah alayhi, il n'aurait jamais accepté ce batil, abadam. Hada, husn al-dhanbih. Mais Cheikh Muqbil, il est mort. Cette personne l'a fait du bâtel, on ne doit pas parler. Min aïn hada. Abadan. Qala, wa la yambari. Lidhi lubbin wa basira wa fiqh. Lidhi lubbin, al-lub c'est l'aql. Une personne qui a l'aql sahih. Basira, il a du ilm, il a du fiqh, il a de la compréhension. Qala an yaj'al, il manque al-ayn. Na'an. أما هنا الكلام اللي مستقيم أن يجعل سكن قلم أحمر فالصواب أن يجعل. قال ولا ينبغي لذي لب وبصيرة وفقه أن يجعل وصية شيخنا الإمام الوادعي طيب الله ثراه سلم دفاع عمن زاغ وضل. صحيح تبلغوا هذا تبلغوا لأن الحق سالحق وانا دون الإكزامب كم من العلماء إذا زكي دي بيرسون ثم avec le temps les personnes ils ont vu que c'était des égarés on n'a pas le droit de dire non mais الشيخ فلان il a dit أبدا كما قال الإمام مالك بل الحديث on a déjà expliqué plusieurs fois il est مرفوع عن ابن عباس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر on n'a pas le droit هذا de citer ces كلام ثم on se contredit on n'a pas le droit أبدا ما بالك الشيخ مقبل رحمة الله عليه il est mort il a cité ces personnes ils étaient à la خير ثم ils se sont égarés on a accepté هذا avec أبو الحسن لماذا on l'accepte pas avec عبد الرحمن نحن على هذا القول celui qui dit ça on lui dit bah parle pas sur أبو الحسن الشيخ مقبل il a parlé en bien de lui بل il a cité dans le وصية et on lui dit كذلك donc critique pas الشيخ يحيى critique là-bas, il est cité dans le wasiyya كذلك. Tu dis pas Haddadi, tu dis pas il a dit Roulou, tu dis pas les savants ils ont parlé sur lui. Là, Cheikh Mokbel il l'a cité dans le wasiyya. Ah bah donne. Le fait que Haoula, Al-Mashaykh, ils ont été dans le wasiyya, ils ont été cités dans le wasiyya, c'est pas une isma. Min al-dhalal wa l'inhiraf. Ah bah donne. Ah bah donne. Nassallah subhanahu wa ta'ala, an yahfad al-jami'a. Lakin s'il y a des adillah qu'une personne est égarée, il y a tout bilallah, il y a un sah. Amma là, il a été cité dans le wasiyya. سلم دفاع عمن زاغ وظل وغير وانحرف فليس في وصيته رحمه الله ألا نترك الرجل حتى يتركنا صحيح حتى الشيخ مقبل dans le وصية il a pas dit si un de ces machayikh que je cite il s'égare personne ne rate sur lui أبدا الشيخ مقبل il a parlé à un moment donné avant sa mort il a écrit ce testament et ces personnes ils sont à la khayr après sa mort si un dalil qui montre qu'une de ces personnes elle s'égare on applique les adim par rapport à cet égarement imma yatoub yunsah s'il ne revient pas la mise en garde ma'rouf qala falaysa fi wasiyati rahimahu allah la natruk rajul hatta yatrukana min qarib wala min ba'id wa man dhanna aw tawahhama anna ash-shaykh ay ash-shaykh muqbil arada dhalik fi wasiyatihi faqad nasaba ila ash-shaykh batilan lam yuridhu et celui qui connaît Cheikh Mokbel et connaît Da'wa Cheikh Mokbel il sait très bien que Cheikh Mokbel rahmatullah alayhi il détestait le batil il a répondu à ses élèves certains de ses élèves il a démontré des erreurs de certains savants il n'était pas d'accord avec eux dans certains points Cheikh Mokbel il était connu la yaskut an batil rahmatullah alayhi fa kayf al'an ba'd an-nas ils vont comprendre hada abadan qala wa lam yakhtur bi balihi lima arafa lima urifa an ash-shaykh min al-insaf wa 'adam al-muhaba fi din Allah ta'ala بل وعاد على وصيته الشيخ بالباطل بل وعاد هذا الكلام على وصية الشيخ بالباطل يبقى يكسبك بقوة بل سكلام سيف الحقيقة سنطعم قال بل وعاد على وصية الشيخ بالباطل لأن الوصية بالباطل باطلة غير منعقدة صحيح celui qui pense هذا c'est comme ce الشيخ مقبل il a fait une wasiyya bilbatil aïe c'est ma shaykh personne n'aura de sur eux même si c'est gare abadan ni Cheikh Yahya al-Abri ni Abu al-Hassan ni Abdurrahman ni Cheikh al-Wasabi ni Cheikh al-Imam personne n'est al-Abri l'haq c'est l'haq celui qui se trompe il se trompe amma penser que Cheikh Mokbel il a cité haoula fil wasiyya et même si c'est gare on ne doit pas répondre abadan en haqiqa ça ta'an fil Cheikh Mokbel kada Cheikh Mokbel wassa bilbatil na'oudu billah min al من الانحراف قال لأن الوصية بالباطل باطلة غير منعقدة ولا يجوز الوفاء بها كما هو معلوم عند الفقهاء تبلغوا دفعن وصية بباطل مثلا un père il fait une وصية pour son enfant بباطل si je meurs je construis sur ma tombe un ضريح un mausolée cette وصية tu l'appliques pas ولا c'est ton père لا يجوز واحد يبيع العوام هكذا non mais ton père il a cité dans la وصية tu dois respecter c'est une وصية باطلة الحكم اللي باطل اي طب بالدوا دابليكي سو حكم كونستروير سي حرام هذا فهؤلاء سي كوم سي دي الشيخ مقبل الى فيست وصيه الى سيتي هؤلاء ميم سي سي كار بيرسون ريبون سي وصيه باطله الشيخ مقبل رحمه الله عليه لا با في الشيخ مقبل الى سيتي هؤلاء اي طون كي سون على خير سي سي كار ف على بين الحق سا باس افون Le prophète sallam قال من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا لابد منكر أن يغير لابد بقدر الاستطاعة. لكن هكذا الهوى. بعض الناس إذا voulu défendre بهوى regarde ce que ça implique. طعن في وصية الشيخ مقبل في الحقيقة. قال كما هو معلوم عند الفقهاء وقد رأيت بطلان هذه القاعدة وإنما أوصى الشيخ من ذكرهم أن يتشاوروا فيما ينزل بأهل السنة من النوازل. C'est ça وصية الشيخ مقبل. S'il y a un problème, هؤلاء se rassemblent et ينظرون كيف, لأن c'était المرجعية. قال لإحقاق الحق ونصرته. نعم الشيخ مقبل الآن لماذا إلى السيتي هؤلاء se rassemblent, pourquoi faire, pour نصر الحق. قال وإبطال الباطل وإزهاقه قبل تفشيه وتأثر الناس به لا دفع عن من ضل وانحرف والمحامة عنه. صحيح هذا الشيخ مقبل لاستيه ولا سيان بولم إزغاصم سي لاستيه سي بور ريزودر ان بروبليم فا بور دافع عن الباطل فسي ان دو سولا كي سيتي دون الوصيه كي كيل سوا اي سو ترومب او يدافع الباطل فسون كلام اي با اكسبتي. هذه وصيه الشيخ مقبل لا غير. قال غريبه مؤسفه. الآن يفسيتي une chose غريبة مؤسفة, quelque chose d'étrange et de triste. قال وإن من المؤسف أن ترى الفاضل يتصدى لمحاماتي عن المبطل المنحرف ويتكلف في الاعتذار له وحسن الظن به مع إساءة الظن بالمحق. ça c'est triste. صحيح بعضهم يدفع المبطل, يدفع عبد الرحمن malgré il reconnaît qu'il avait des erreurs, il défend et il tente sur المحق. Alors que le Mouhiq, Cheikh Yahya, avait dit le Mas'ala, il n'a pas farraq, ni à dommage, ni autre. Il n'a pas fait des assises secrètes. Il n'a pas été la cause que certaines personnes, certains tolab, ils reviennent à Bilal al-Kofr. Ah, badam. Ma'a hada, tu crois, Ba'd al-Nas, yata'anou nafi. Et le Mouhiq, il faut patienter. Peut-être qu'il n'a pas voulu ça. Toujours des excuses. Le Mouhiq, là, prends l'exemple, Cheikh Yahya avec Sahaba. La salle de Sahaba, ils l'ont accusé d'avoir insulté, il leur a démontré. Avec tout ça, là, T'es un rafidi, t'es un sahaba. Ba'dannas, on l'a lu. C'est un jassous, rubbama, il a été envoyé par un rafida, rubbama. Alors que Cheikh Yahya, il a montré. Abd al-Rahman Adani, il ne montre rien de tout ça. Ils ont reconnu qu'il est morti, il faut patienter, il a akhir. Falimada, ce manque de justice, limada, ce manque de adl. قال مع إساءة الظن بالمحيق ورد الحق عليه بحجة أن اليوم على غيرنا وغدا علينا. بعضهم يزودي هذا, بعضهم قد يقول قائل لماذا يزون كتك شيخ يحيى, بعضهم قال هكذا aujourd'hui شيخ يحيى il parle sur عبد الرحمن, demain il va parler sur nous. لأن il sait qu'il a des erreurs, il sait que les erreurs d'عبد الرحمن lui-même il les a, donc s'il a parlé sur عبد الرحمن العدني demain il parlera sur lui. فبعضهم ils ont voulu vaut mieux calmer الحجوري حتى il parle pas sur nous. C'est pas هكذا. C'est pas hakada, abadan. Tes livres ils sont propagés, tes audios ils sont propagés. Si un batel, Allah va yassir wahed qui va rad daiman. Anna liyoum ala ghayrina wa ghadan alayna. Ça dépend, ça montre que ba'd an-nas dans cette affaire ils défendent leur nafs. Normalement ils disent là, imma shakha ala al-haq, imma il s'est trompé. Si l'al-haq on accepte son kalam, s'il s'est trompé, démontre. Amma là, je parle sur shakha ala, demain il va parler sur moi. C'est pas manhaj al-salaf, abadan. Cherchez dans Sirat Salaf, est-ce qu'un imam de la Sunna il a déjà dit ce qu'elle a. Je parle sur Foulan, il y en a peut-être, il va parler sur moi. Ça montre, tu défends ton nefs. Mi'a bil mi'a. Ah, ma Cheikh Yahya, son kalam, c'est kalam d'un être humain. Si t'es à la haq et Cheikh Yahya, il ment sur toi, son kalam, il te fera aucun mal. Lakin l'imam d'Al-An, cette personne, elle craint du kalam de Cheikh Yahya. Là, c'est un kalam bi haq. Qala wa hadha maqalatun. Wa hadhi. كأنه هذه نعم مقالة وهذه مقالة لا تصدر ممن يثق بأنه على المنهج السلفي ودين الله الحق, لأن من تعرض لأهل الحق والاستقامة بالطعن والقطع, القطع في الطعن, قال إنما يضر نفسه. صحيح صحيح celui qui طعن sur الحق أو يدفع أهل الباطل il fait du mal qu'à lui-même, que le Cheikh Yahya parle sur toi ou pas ou un autre. Tu te fais du mal. La personne, nous, l'an, on a bien. Ça, c'est des omours fidini. Là, la personne, il pense à Yom Qiyam. Yom Qiyam, tu auras des comptes à rendre. Amma là, ça pense qu'aux personnes. Je ne parle pas parce qu'il va rater sur moi. Je rate sur lui, comme ça, il ne parle pas sur moi. Je tire le premier. Aïe, shahad al-kala. Mas'ala, c'est mas'ala d'dit. L'essentiel, c'est que Yom Qiyam, tu as été injuste envers personne. Et tu as suivi le haq. C'est ça, tu seras mansour. Fidini, on fait l'akhira. Amma défendre son œuf, c'est un ta'. Léna, si tu défends ton nefs, tu défendras le batil. Léna, t'es pas ma'asoum. Tu feras un jour une erreur, t'admettras pas. Léna, tu défends ton nefs. Ou, si tu défends ton nefs, robama, tu vas redd'a l'haq. Léna, robama, Allah, il va te prouver l'haq, il est vers une personne que t'apprécies pas, tu vas redd'. Alors que normalement, non, c'est l'haq, tu dois secourir l'haq. C'est ça, les fruits amers de celui qui défend son nefs. N'tabihu min hada. Fais attention. Ton nefs, tu sais très bien, ta'mur bissou. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré. C'est très bien que ton nefs, il y a le hawa, il y a le shaytan, t'es faible. Laisse ton nefs haqira. Mets le haq au-dessus d'elle. Mais si tu fais passer ton nefs, ça t'attrape jiddan, jiddan. Et le haqiqa, reconnaître le haq, ça t'élève, toi et ton nefs. Qala, l'anna man ta'arrada liya le haq ou l'istiqama bit ta'n wal qatah, innama yadurru nafsah, wa yu'ariduha li muharabatillah difa'an an awliya'ah. كما جاء في الحديث حديث القدسي قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب على فيرسن سيزا كي انتبه tu vas attaquer quelqu'un qui a le haq في الحقيقة tu es en train de faire du mal à un wali من أولياء الله الله سبحانه وتعالى il déclare la guerre à هذا فقد آذنته بالحرب حرب il va combattre ton cœur عز وجل tu ne pourras rien faire tu vas aller où à la personne il pense à هذا أما tu rades à l'ahl al-batil ils vont rien te faire de mal بل تمنصور عند الله وعند عباد الله الصالحين قال وإنما تصدر من غير واثق أو ثابت في دينه يعلم من نفسه خللا يوجب نقده يوما من الدهر من أهل الحق لا personne qui a dit ce كلام أنا اليوم على غيرنا وغدا علينا يعني il sait très bien qu'il a des خطأ il étudie l'affaire ce qui est reproché à l'Adani lui-même il le fait il sait que à son tour il va arriver لهذا il essaye de la personne normalement t'as des خطأ fait tawbah N'attends pas qu'une personne elle te critique, fais tawba, montre, délaisse. Et Inch'Allah, personne ne te critiquera. قال يعلم من نفسه خللا يوجب نقده يوما من الدهر من أهل الحق فيضع لنفسه حماية تقيه سهام النقد نعم comme un bouclier. Il prétend, je vais faire tomber Foulal, حتى, alhamdulillah, plus personne ne me critiquera. يا أخي, c'est pas هكذا. Allah subhanahu wa ta'ala, il va yassir واحد, il va رد عليك ما لك إلا التوبة. قال فيضع لنفسه حماية تقيه تقيه أي اللي بخوتج سهام النقد سهام سلي فلش النقد الردود الجرح قال في ظنه نسأل الله العافية والسلام فلهذا on avait lu le كلام de certaines personnes سالم بن محرز عبد الله العدني au début de la fitna il faut qu'on se débarrasse de l'hajouri il faut là ils savent que Cheikh Yahya il a le pasteur ils le connaissent Ils le connaissent très bien, exactement comme les élèves de Cheikh Mokbil, Al-Raymi, Al-Maqtari, Mohamed Mahdi, tous ces égarés. Pareil avec Cheikh Mokbil, ils savaient que Cheikh Mokbil il allait se passer. Un d'entre eux est sorti de Damaj à l'époque de Cheikh Mokbil. Adon Al-Raymi, Mohamed Mahdi, un de ceux-là, des grands élèves de Cheikh Mokbil à l'époque. Un il est sorti et il a dit clairement, il a dit, imma Cheikh Mokbil il nous suit, imma il ne nous fera aucun mal. Khalas, il a démontré qu'il ne veut plus suivre Cheikh Mokbil. Cheikh Mokbil radd alayhi. Qu'est-ce qui s'est passé? الآن هؤلاء تنتم با بارلي دو شيخ مقبل الحمد لله الله سبحانه وتعالى إلا رفع لأن الإخلاص أما شيخ مقبل لا تظنون سي فاسيل الآن تو سيدي شيخ مقبل إلى مور رحمة الله عليه الله اللي لفي تو مون سو كولا شيخ مقبل أما سون إيبوك والله سي زيلاف ثاروا عليه إكزاكتومون كوم شيخ يحيى زاني أبقى الحمد لله يجو خير هكذا فاصبر فقط صبر أما هؤلاء الآن يطعنون في الشيخ يحيى celui qui l'aura il les a éduqués كثير منهم il leur a montré الحق الآن يطعنون ça fait aucun mal celui qui élève c'est Allah عز وجل قال نصف شبهة ما رأينا حزبية طيب après tout ça الآن après le bayan الشيخ سعيد رحمة الله عليه il a cité une شبهة ceux qui s'accrochent à la wasiyya de Cheikh Mokbil on a montré un al-haq c'est haq et Cheikh Mokbil il a jamais dit vous répondez pas à celui qui s'égare abdel. Il n'y a pas ça dans la wasiyya al-an une autre shubha c'est même pas une shubha al-haqiqa ba'dan nas après tout ça il dit moi j'ai pas vu de hizbiyya et nous on lui répond et après si un autre il a vu et ma ra'ayt hizbiyya t'as étudié l'affaire Si tu as étudié, tu vas trouver une hizbiyya. Lakin ba'dan nas hakada. Moi, j'ai pas vu. Là, la mas'ala, c'est pas toi ou moi. La mas'ala, est-ce que c'est un hizbi ou la? La question, c'est comment on reconnaît une personne c'est un hizbi. Tu lis cette risale. C'est pour ça qu'on l'a lu, nahnu. Qala wa ba'd dhikr ma sabaq. Yudrik al munsif. Hada al qayd al munsif. Yudrik, c'est. Il va s'apercevoir. Il va comprendre. Qui? Al munsif. Al munsif, c'est sahib al insaf. أي une personne qui est juste. La justice, l'adl, l'insaf. Alors, il va comprendre beaucoup de choses. Amma, une personne qui ne veut pas le haq, même après tout ça, il va dire, moi, je n'ai pas vu de Hizbiya. Non, toi, tu n'as pas vu, mais un autre, il a vu. Qala, anna al-adani wa hizbahu al-makir la duna fi ludad al-hizbiya al-mamquta. Ah, ils sont enfoncés dans le Hizbiya. La shak wa la raib, après tout ce qu'on a lu. Qala, wa ulima بعد قول من نفى ذلك قائلا ما رأينا حزبية فإنما أثبته شيخنا يحيى أيده الله وطلابه من الحقائق الثابتة الدالة على سعيه وحزبه في زرع الفرقة والشقاق بين أهل السنة وطلاب العلم في دار الحديد وغيرها وعلى نصبهم الولاء والبراء الحزبي الضيق يسيد les égarements qu'on a vu. في الحقيقة celui qui n'est pas d'accord il doit démontrer pourquoi Cheikh Yahya s'est trompé. Mais Abad al-Nas, il ne peut pas démontrer que Cheikh Yahya s'est trompé. Il dit quoi ? Ma ra'ayna. Seul. Suffit, واحد. Cheikh Yahya a montré bidalil, ensuite dalil. Même si toi, tu n'as pas vu. Qala wa muharabatihim wa saddihim anil haq wa dhammihim wa thalbihim wa tanfir wa tahdir minhum wa thanan nas. Kana huwa wa thanin nas. Wa thanan nas. Wa thanin nas indar al-hadith wa sunna wa al-ilm. Ay, ça ressemble au sadd. وثاني الناس عند دار الحديث والسنة والعلم والمنهج السلفي فذلك أعظم بنود الحزبية وعين الحزبية في الحقيقة هذا سوفي ممشي البرسون يفيد الآن ما رأينا يا أخي سهل c'est pas obligé que فلان يبارل pour qu'on dit فلان سا حزبية الآن est-ce que الحقائق ça montre que c'est une حزبية نعم فرقة طعم ولا وراء ضيق سرية des choses secrètes tout ça c'est الحزبية والله أن أبا الحسن il aurait fait exactement ça ils auraient رد عليه et أبو الحسن il a fait ça Ali Halabi, il a fait ça dans des choses moins raddou Ali. Un autre l'an, que certains gens n'aiment pas trop, ils auraient fait ça raddou Ali. Cheikh Yahya aurait fait ça, ma balukum. Cheikh Yahya, maintenant, on inverse les rôles. Cheikh Yahya aurait fait ça et Abdurrahman l'aurait raddou. Ma balukum. C'est pour ça que l'insaf c'est important. Que ce soit Cheikh Yahya ou un autre, le haqiqa, ça ne doit pas changer l'affaire. On regarde le haq, le mas'ala. Ni je défends mon cheikh, ni tu défends le tien. On défend le haq. Ton cheikh, il s'est trompé. Et on est les tifak, on est tous d'accord que, autre que les Rousseau et l'Ambiya, ils ne sont pas ma'asoum. Ni Cheikh Yahya, ni Cheikh Fulan. Personne n'est ma'asoum. Et l'Ambiya ou le Rousseau. Donc, on étudie l'affaire. Vu qu'il n'est pas ma'asoum, c'est possible qu'il s'égare. À Mabadanas, comme on l'a expliqué là, Fulan, c'est un Hizbi, qu'Annaoui est ma'asoum. Ah ben, t'as dit, étudie l'histoire, étudie l'affaire. Ça, tu vas voir des ajaïbs. قال فذلك أعظم بنود الحزبية وعين الحزبية إذ بها عرف أهلها وعليها قامت دعوتهم الكاسدة أي tous les fondements qu'on a cités قال ولا أظن هذا خافيا على من يدرك المطابقة بين النظائر والمماثلة ça c'est important on n'a pas le droit de différencier entre deux choses identiques مثلا أبو الحسن il a plein de فرقة il a ta'an sur أهل السنة il a fait des choses on dit c'est un حزبي une deuxième personne elle fait exactement la même chose Là, c'est pas un Hizbi. Là, il y a 12. Khassatan, il a rejeté comme Abu al-Hassan. Il a fait une Hizbi. C'est deux choses identiques. Le hukm, il est identique. Une boisson, il y a de l'alcool. Elle rend ivre, on dit elle est haram. Une deuxième boisson, il y a de l'alcool, elle rend ivre. C'est une autre boisson, elle a un autre nom, un autre goût. On dit là, elle n'est pas haram. Là, il y a 12. Là, il y a 12. At-tafriq bayna al-mutamathilat. Là, il y a 12. Al-ulama, et c'est des kutub tayyiba. Kathir bin al-ulama, sannafu fi hada al-nazair. والمتماثلات كثير من العلماء ils ont صنف في هذا ils te montrent مثلا خمر c'est haram et ils te montrent les choses qui sont pareilles et ils concluent le même حكم c'est haram ça c'est طيب les livres comme ça c'est طيب جدا قال ووقف على حزبيات السابقين كعبد الرحمن عبد الخالق الكويتي المنحرف الإخواني il est في جمعية إحياء الثورة سام منحرف شيخ ربيع وفق الله رد علي avec beaucoup de redout. قال والسبت عبد الله c'est le président de cette جمعية إحياء التراث au Koweït سام منحرف c'est lui qui est venu rendre visite à Cheikh مقبل قال وسرور محمد سرور التكفيري المنحرف قال والقرني عائض سعودي il est en Arabie Saoudite عائض القرني معروف إخواني مبطل والعودة سلمان العودة كذلك سان سوجان أنا عرب سوديت العلماء ردوا عليه سان تكفير قال والحوالي سفر الحوالي كذلك سان سوجان منحرف ردوا عليه صاحب سلمان قال والمعلم ما أعرفه. قال والمهدي محمد للاف دو شيخ مقبل سانيغاري وعقيل المقتري كذلك ان غران ليف شيخ مقبل سيغاري tout cela c'est devenu اصحاب جمعيات بعضهم يصفوا في حزب الرشاد الان. قال عبد الله الحاشدي الى معهم والريمي عبد المجيد الى معهم والمصري ابو الحسن معروف مصطفى يسابل أبو الحسن. قال وغيرهم إذ حزبيتهم قامت على هذه البنود في أول أمرها. Et tout cela, c'est des élèves de Cheikh Mokbel. La plupart, les Yéménites. أما القرني والعودة إلى آخره لا. لكن نحن نقول les Yéménites, c'est des élèves de Cheikh Mokbel. لا يجوز واحد يبين يقول لا, parlez pas sur eux, c'est des élèves de Cheikh Mokbel. أبدا. هؤلاء الآن ils ont fait une حزبية واضحة. العلماء ردوا عليهم. On n'a pas le droit, نحن, une personne elle vient, خلاص, لا. Cheikh Mokbel l'a cité dans le Wasiya, c'est un élève de Cheikh Mokbel, un savant il a bien parlé sur lui, ça change rien à l'affaire. S'il a un inharaf, c'est un munharif. Khasatan qamat alayhi al-hujja, non sait il n'a pas voulu revenir, al-hukm il est fi mahalli. Qala id hizbiyatuhum qamat ala bunud fi awwali amriha wa qad iqtadat sunnatullah adam at-tafriq bayna al-umur al-mutamathila. La yajuz. On n'a pas le droit de différencier entre deux choses identiques. Celui qui différencie, il a un manque de hadj. قال بنص قوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم تقل ذو سيدانتك أن شوز على الممحك. قال واعتمادا على هذه البنود حكم شيخنا مقبل طيب الله ثراه على ما ذكر على من ذكر بالحزبية. نعم الشيخ مقبل نبسيت عن اكزامب إلى رد على الريمي عبد المجيد وعلى عقيل إلى رد عليه إلى مونتريك ستدي حزبي وعلى محمد المهدي لي 3 شيخ مقبل إلى زاغون دو حزبي لأنهم malgré c'était des élèves de ces élèves malgré ils prétendent appeler la sunna ils ont fait des choses شيخ مقبل حكم عليهم بهذا الحكم. قال على من ذكر بالحزبية ومن زمع خلاف ذلك فعليه الإثبات وأنا ناقل هنا من كلام أهل العلم البصرة الخبراء بحزبية بلا منازعة ما يدل على صدق ما قيل. الآن il va citer des paroles de Cheikh Mokbel pour montrer الحزبية. Et on les a déjà, on en a déjà lu. الآن il va en rajouter. قال شيخنا الإمام المصلح الوادعي في تحفة المجيب وقد سئل كيف يحذر الشباب من الحزبية غير الظاهرة والتي لا يحذر منها إلا قليل لا يحذر منها إلا قليل من الناس وكيف يعرف أو يعرف الشباب أنه خالف منهج السلف في ذلك حتى أساس ريبونس طيبة. أنا لا أحد يدي شيخ فلان إلا بادي أو جي بافي لا سي با سا المسألة. المسألة الآن ils ont posé la question à Cheikh Mokbel خاصة الشباب. C'est eux, ils n'ont pas beaucoup de ilm, c'est des débutants, ils ne comprennent pas des choses. Bardohum, ils sont fougueux. Ils ont posé la question à Cheikh Mokbel, comment ces jeunes ils font pour reconnaître? Vous allez voir que Cheikh Mokbel ne va pas dire que je suis Cheikh Fulan ou Allan. Abadan. Qala فأجاب يعرف بالولاء الضيق سسال حزبية ولا إبارات ضيق. قال فمن كان معهم فهم يكرمونه ويدعون الناس إلى محاضرته وإلى الالتفاف حوله ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم سسال حزبية. T'es avec lui, il te rapproche. T'es avec lui, il te rapproche. On a vu l'exemple avec Abu al-Khattab, le Libyen. Il était dans Fitna Tabil Hassan, ils le connaissent. On a vu l'exemple avec Yassine Al-Adani. Il avait des problèmes avec Abdurrahman. Lakin, quand c'est le Hizbiya, ils se rapprocheront. Ils ont le même but. On l'a vu, nous, Qabla Ayyam, on l'avait cité. Le Majid Hada, l'imam, il fait partie de ce Hizb. C'est un munharif. Il a rapproché, il a élevé le mangeur de Qadhan. Cheikh Al-Fadil, nous, c'est. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes. Wallah, ils le détestaient, Hunak. Marouf, c'est un homme à problème. Kada. Il est venu avec eux, khalas, Cheikh Al-Fadil, Muhadra, il a fait. C'est ça le Hizbiya. Même s'il a un Cheikh, il dit là, moi je connais cette personne, il est bien. Le Cheikh, il ne peut pas tout connaître. Un délit, t'as un vab, c'est quoi le Hizbiya? Qala. قلت أي شيخ سعيد وقد سبق إثبات هذا المعنى بعينه عند العدن وحزبه إذ حتى على الالتفاف حول أبي الخطاب الليبي على أبو الخطاب هذا اللي معروف. قال الذي أفسد كثير من الغرباء وهو رجل متكلف متقعر متصنع متكلف متقعر متكلف كان متكلف متقعر متصنع في الأمور مع قلة بضاعته في العلم. نعم نعم. لكن ابن ويلوبي هذا حتى أصبح ربما الآن وصحيح سمعنا أن الآن يجيز الشيخ سيدنا الشيخ حتى هذا قال في الوقت نفسه نصح العدني الإخوان في منطقة المحاريق بألا يحضروا دروس الأخ كمال العدني، وقام هو وأصحابه من كلمة الأخ خليل التعزي تقدم. دكسي أندلا يرفع، دكسي أكي كمدخل حزبية خلاص طعن وهجر. خاصة هذا ستودبي ستودبي نصيحة كلام إيه إذن كمانسي بهذا. قال وقال أيضا أي الشيخ مقبل هي الولاء الضيق أي الحزبية، فيوالي من أجل الحزب ويعادي من أجل الحزب. ونقل عنه الأخ معافى الحديدي في البراهين سماعا أي لانتوندو عن شيخ مقبل هي الولاء والبراء الضيق. وقال وزاد شيخنا يحيى حفظه الله أي في الدين، نعم الحزبية ولاء وبراء ضيق في الدين. Et tout ce qu'on a vu, les usul, le hadr, tout ce qu'il a fait, les témoignages, ça montre ça. Voilà, wa bara dayiq. Comme ma'ana fi hashid, combien de personnes avec nous en Sana'a? Pourquoi vous rapprochez de Cheikh Yahya? T'as changé? C'est pas l'Illah Azza wa Jal. Normalement, celui qui a changé, c'est celui qui a une mukhalafa fi din. C'est ça celui qui a changé. Amma khala, s'il s'est rapproché d'une personne que tu n'apprécies pas, il a changé. Na'oudu billah min al-asabiyya. Qal wa qad dhakar al-allama Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Rahmatullah alayhi. مات قبل أسبوع إلى موغ رحمة الله عليه ينسمان ستين عالم من علماء السنة. كذلك شوف الشيخ سعيد اللسيط 1429 وذكر العلام ساسو كي ديز وزافي لسي بيرسون وو بروني كو شيخ يحيى. الآن دان طول كلام تانتوندو ان كلام شيخ يحيى نادر نادر إلى بيك لبقول شيخ مقبل شيخ الإسلام الشاطبي شيخ الفوزان شيخ زيد هكذا حق سلحق. لكن بعض الناس زي سيد صادق ليماج باغتو لي موايا فرحمة الله على هذا الإمام. قال شيخ زيد أن من علامات الحزبي مجالسته ومشيه لأهل الانحراف في العقيدة والعمل سواء كان جماعة أو كان فردا أو تابعا أو متبوعا. نعم من علامات الحزبي سكس ميلانج بك الحزبيين. ونفي نحن أن بعضهم الشيخ محمد الوصابي يحاضر في إذن محاضرات في مسجد المنحرفين مسجد أبي الحسن. وانا فيه أن عبد الرحمن العدني لا رنكوتخ الحاشدي سامو الحرف وهكذا ساسو العلامة. قال ونقضي إلى أهل الحق والسنة وتغير وجهه إذا سمع من يرد على الحزبيين ساسو العلامة من علامة الحزبيين. quand il entend un رد على حزبي il change de couleur أي لا accepte pas. وهذا تلبو عند بعض الناس. Pourquoi vous parlez sur Foulan? Pourquoi? Là, tu dois dire pourquoi on parle bibatil si on parle bibatil. Amma dès que c'est haq, tu dois aimer le haq. Qala wa wuqu'u fi arad ad-du'ad ila al-tabassuk bima alayhi ahlu al-athar intaha mulakhasan ila résumé. كذلك الطعن في اهل الحق. Tu le trouves, il se rapproche de ahl al-batil et quand c'est ahl al-haq, il yat'an. Ça c'est alama min alamat al-hizbiyyi. Qala wa qad sabaqa ithbat hadhihi al-khilal قبل أي هذه الأوصاف توسى تقدم. قال بما يدلك على صدق حزبية العدني وحزبه الحقير. والخلاصة قال والخلاصة أن الحزبية ولاء وبراء ضيق وفرقة وشقاق ونقد لأهل الحق وصد عنهم توسى تقدم سيسى الحزبية. قال ومفارقة لهم. ولهذا قال شيخنا الوادعي رحمة الله عليه في شريط الله سمعته أذناي ووعاه قلبي في الحزبية هي فكرة يتبناها الشخص ويدعو الناس إليها ويفرق المسلمين. فاس لكلام لدغني شيخ مقبل شيخ سعيد لا أنتوندو دانس أن أوديو. شيخ مقبل قال فكرة يتبناها الشخص سا devient une pensée سا une voix pour lui. قال ويدعو الناس إليها. عبد الرحمن العدني c'est exactement ce qu'il a fait. Un nouveau marquis et il appelle les gens. Ne parlez plus avec Foulan, tu t'es rapproché de l'Hadjouri, comme Ma'ana. Khalas, il commence à avoir un fikr et il appelle, khasatan sirriyan, dans des champs, dans des montagnes, dans une maktaba. Qala, wa yufarriq al muslimin. Ça implique quoi de la furqa? Lana qad yaqul qa'il, mais Abd al-Rahman al-Adani, il a le droit d'ouvrir un marquis. Naam, mais sans diviser les frères. Lana nahnu, on n'a jamais renié, bel nuhib wa nafrah quand il y a un nouveau marquis. Nahnu, on vit au Yémen. Combien de marquis ils sont ouverts depuis qu'on est là? Nafrah. Et on espère aller rendre visite à nos frères. Ah ben ouais, il enregistre. ne te rapproche plus de Hajouri. Tu t'es rapproché de Hajouri, t'as changé. T'enregistres pas et te passe plus le salam. Ah, c'est digne. Ah, c'est digne. Si les frères ont des erreurs, on monte. Ah, malade, t'es avec lui ou contre lui. C'est exactement ça le Hizbiya. Ou alors, si vous l'avez dit, j'ai pas vu. Sale. Mais nous, alhamdoulilah, on a compris. Qala. وهذا ضابط يجمع ما ذكره ما ذكره قبل في حد الحزبية أي تعريف الحزبية نعم si tu rassembles les trois كلام الشيخ مقبل الآن t'as un aperçu طيب بالحزبية قال بالبلاء بالولا والبراء الضيق إذ ينتج من مجموع كلامه الآن طيب الشيخ سعيد il a rassemblé les trois كلام de الشيخ مقبل en un تعريف وهذا طيب celui qui le retient طيب قال أن الحزبية ولاء وبراء ضيق premièrement Un alliance des aveux ضيقة Palilla, c'est pour un profit. قال وإحداث فرقة من أجل أفكار يتبناها أصحابها في دين الله. كذلك, ça va impliquer la division. La division. Tout ça, في الدين. C'est pas des choses de dunya, في الدين. قال تخالف شرع الله. نعم. Cette pensée تخالف شرع الله. قال ويدعون إليها. كذلك, il appelle. عبد الرحمن العدني, il a appelé أم لا. نعم. Comme معنا في حاشد, tu t'es rapproché de Cheikh Yahya, regardez combien de frères ils nous suivent dans cette ville. Ah, tu ne trouveras pas une da'wa aussi sarih que هذه. قال وبهذا نعلم أنه لا يمكن يظن ذو عقل أن الحزبية جسم له عينان ويدان ورجلان وقرنان ولهذا كان يقول شيخنا الوادعي طيب الله ثراه ما هي أي الحزبية ثور له قرنان فصلا طيب الشيخ سعيدي يكونكلو يتمنطخ أن الحزبية C'est pas un corps avec deux bras, avec une tête, avec des cornes. Ça y est, Wardanas, Hizbi, il attend qu'on dirait que c'est une personne, il va avoir des cornes, il va. L'Abadan. Hizbi, Obama, il est à côté de toi, il étudie chez le même shir que toi. Lakin, Hizbiya, c'est un fikr, c'est une pensée, c'est un madhab. Ça appelle à la division, c'est ça le Hizbiya. Voilà où ce Hizbi, il a une longue barbe, il met le qamis, il prétend suivre les savants. Son amal, son waqi, il prouve que c'est un Hizbi. Hada. هذا سان كلام طيب وانا تعب رغم انه لكم سنة لكن تعب باقي قليل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين